Quelques instants, notre feuilleton préféré, la croisière s'amuse. Avec les sons de tonne. tartes. C'est Zaz qui fait ça. C'était comment déjà la croisière s'amuse. Bungee, Strato, hello. Je suis revenu crever, évidemment.